Melomaníacos. Comenzamos con nuestro tiempo dedicado a la música, unos minutos musicales que saben que te dedicamos siempre una parte, una pequeña sección dentro del desván a la música, no puede faltar. Y hoy recordamos a Edith Piaf. Edith Piaf es una cantante francesa a la que su potente voz y su expresivo estilo al interpretar canciones como La Vie en Rose le dieron fama. Actuó en películas, comedias y operetas, realizó giras por Europa, Sudamérica y Estados Unidos. Tuvo relaciones amorosas con grandes celebridades como Charles Aznavour, Yves Montand o Jacques Bills, con quien se casa. Se traslada a Nueva York y su éxito crece y crece como la espuma. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé. Quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu,